Ses concussions. Il est prouvé par des mémoires contemporaines qu'étant proconsul en Espagne, il reçut des alliés de fortes sommes mendiées par lui comme un secours pour acquitter ses dettes, et qu'il livra au pillage plusieurs villes de la Lusitanie, quoiqu'elles n'eussent fait aucune résistance et qu'elles eussent ouvert leurs portes à son arrivée. Dans la Gaule, il pilla les chapelles particulières et les temples des dieux remplis d'offrandes, et il détruisit certaines villes plutôt pour y faire du butin qu'en punition de quelque faute. Ce brigandage lui procura beaucoup d'or, qu'il fit vendre en Italie et dans les provinces à raison de 3 000 sesterces sur la livre. Pendant son premier consulat, il vola dans le Capitole 3 000 livres d'or, et il y substitua une pareille quantité de bronze doré. Il vendit à prix d'argent les alliances et les royaumes. Il tira ainsi du seul Ptolémée, en son nom et en celui de Pompée, près de 6 000 talents. Plus tard encore, ce ne fut qu'à force de sacrilèges et d'audacieuses rapines qu'il put subvenir aux frais de la guerre civile, de ses triomphes et de ses spectacles.